Bonsoir. Êtes-vous bien prêt à supporter une nouvelle machine à son? Ah, la question se pose. Je pense que oui. Franchement, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes forte et fort. Vous allez pouvoir tenir. Parce que là, le professeur, il a mis quand même encore une fois la barre un peu plus haut. C'est presque un sportif du son, le professeur. Et oui, toujours de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et là, donc, ce soir, il va quand même, il m'a amené de quoi vous emmener dans des hauteurs inespérées. Et oui, j'espère que ça va être aussi bien qu'en introduction, sinon on va passer pour des nazes. Mais bon, on verra bien. Non, mais rassurez-vous, ça va. De temps en temps, vous savez comment je fais, je distille de temps en temps quelques trucs qui vous font descendre un petit peu. Comme ça, ça va mieux. Vous pouvez bouger un peu le corps, parce que là, il y a des moments, ça risque d'attaquer un peu au niveau cérébral. Mais c'est volontaire, il m'a dit, c'est volontaire. Voilà, parce qu'il est concrètement avec vous. Alors, c'est une histoire avec le béton, parce que concrete en anglais, c'est le béton. Enfin, c'est très compliqué, hein. C'est encore une histoire du professeur. Hein, on va pas non plus trop chercher à comprendre, parce qu'en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Parce que des fois, il y a une logique qui est très particulière. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi qui fait le sel de cette émission. Et oui, parce que c'est quand même lui qui amène le sel, et moi qui cuisine. Voilà, ah bah oui, voilà, c'est, tiens, j'avais jamais pensé, voilà, je vais vous cuisiner une émission de radio. Ah bah excellent, fabuleux, un professeur, il est trop fier. Bref, reprenons donc, voilà, ce soir, bon, on va faire une émission où il va y avoir pas mal de musique contemporaine, donc des trucs qui justement vont vous élever un peu, et puis d'autres pas forcément très contemporains, mais qui élèvent aussi, en fait, voilà, que des musiques qui élèvent, on est dans l'élévation, ça aurait pu s'appeler l'élévation, mais il faut être un petit peu, comment dire, modeste. Allez, à tout à l'heure. people who stare, waiting for something that's already there. Tomorrow I'll find it. The trumpeter screams and remembers he's hungry and drowns in a dream. Club with glasses and wine, the customers dancing are just making time, while David is cursing, the customers scream, now everyone's shouting, get out of my dreams. Why are we sleeping? Bye. Cream, Kutu, Cambello, Mamero, Bichou. Me uno, me duno, me preno, me clau. Tolo, bardolo, zinzino, fornau. Ter, muner, fricash, pitash. Cream, Kutu, Cambello, Mamero, Bichou. Me uno, me duno, me treno, me clau. Tolo, bardolo, zinzino, fornau. Ter, muner, fricash, pitash. Cream, Kutu, Cambello, Mamero, Bichou. Me uno, me duno, me treno, me clau. Tolo, bardolo, zinzino, fornau. Terre, mouner, fricache, pitache, crin, coutou, cambero, mamero, bichou. La tête. You got your bread and butter. I you got your little bit of money. I'm coming. about pure delight. Hey, how about six-hour fries? Hey, how about mouth to mouth? Pay for your passion. Viva the lips. Hey, the hole's all right. Go to stroke. Yeah, true power is a sticky finger. Hey, how about cruel jokes? Yeah. Hey, how about these weapons? Leave it. Hey, how about strange confessions? Leave it. Without romance in the zone. Hey, don't apologize for your looks. Hey, what about stupid tragedies? Hey, what about the one eyes? Hey, what about semi-life? Yeah, let's face it, it's about reason and all that living on Christ, moons and Mongol. Hey, the way to say, to play, to pray, the day face, the overlay, to pay for your way. Leave the legs. Leave the legs. Leave the legs. Leave the legs. Yeah. Yeah, baby. Six are frost. Six are frost. Yeah, baby. Baby, get more. Then, baby, get more. Yeah, baby. Ooh. Here's the bill. Oh, baby, get more. Oh, baby, get more. There's a fever. Running the six I fried. Oh, there's a fever. Oh, running the six I fried. So sweaty, sweaty. Sweaty, sweaty. Baby, get bold. Oh, oh, oh, oh. Hey, baby, get bold. Sweaty, sweaty. Sweaty, sweaty. Here's the devil. Baby, get bold. Baby, get bold. There's a hole. Hey, how about running? There's a hole. Hey, how about running? Oh, no. So sweat it, baby. Let you power. Yeah, sweat it, baby. It's the case of the one. No jokes. Don't get away. There's fish in the sweat. Yeah. Mouth and sweat. Thank you. là. Thank you. belle, sois belle, éteins-toi. Fillette, méfie-toi de ces beaux parleurs qui te font voir la vie sous de belles couleurs. Surtout ne va pas au cou leur sauter, pour toi il vaut encore bien mieux leur prouver que tu as un merveilleux moyen pour leur en faire voir de toutes les couleurs. Que tu as un merveilleux moyen pour leur en faire voir de toutes les couleurs. Sois belle, sois belle, sois belle, éteins-toi. Sois belle, sois belle, sois belle, éteins-toi. Si le temps pour t'attrister porte atteinte à ta beauté, non. Oui, j'arrête un peu le fil de cette émission car là ça a dérivé 20e siècle. Reprenons le fil de nos moutons. êtes bien enfermé dans la machine à son. Rassurez-vous, tout se calme, tout se calme. Thank you.

c'est pas fini. Malheureusement, ça sent la fin, ça sent le final. Ah là, je coupe ce super morceau, mal minuté. Et oui, pourtant avec le professeur, on a fait les calculs 12 fois, mais voilà, bah à chaque fois sur le final, on se trompe un petit peu. Bah, c'est pas très grave, je vous le repasserai un autre jour, une autre fois, dans une autre aventure, dans une autre histoire. Donc j'ai pas beaucoup de temps, allez. Donc vous avez écouté, bon tout est mélangé, hein, vous avez l'habitude. Là, Os Estiakos à Montpellier le 25 ou 26 juin. Avant, il y a eu Camisole, incroyable. Ralise dénudé, Colmec ensemble, Jacques Berrocal, Lucie, je sais pas quoi faire. Earthband, Jean-François Pauvreau, c'est Gébizien, je sais plus ce que c'est. Alan Vega, moyen pas terrible, et je suis gentil encore. Paris 1942, ça c'est bien. Move Out from Wichita, un peu long, mais très bien. Jeff Gibson, Soft Machine, Xenakis, et puis plein de petites conneries. Plein d'autres petits machins, voilà. Mais j'ai plus le temps de vous le dire. À la semaine prochaine, ou à la prochaine fois. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais c'est pas très grave. Ah ben si je mets pas le son, il n'y aura pas de G-Like.